Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 30 avril 1975. Eh oui, il y a 43 ans aujourd'hui, au Vietnam, les Américains sont en train d'évacuer Saïgon. On peut dire que c'est une évacuation catastrophe. C'est un épisode assez piteux qui vient en quelque sorte solder la défaite américaine au Vietnam. C'est la fin de cette guerre, on devrait dire de ces guerres du Vietnam. Il y a eu l'Indochine avant, si l'on inclut évidemment toutes les opérations françaises. Ça s'éternisait depuis 3 décennies. Cette chute, dites-moi, de Saïgon va rester dans les mémoires. Ah ben pour cause, les images tournent en boucle sur les télévisions du monde entier. C'est le début des journaux télévisés. Saïgon, c'est la capitale historique de la Cochinchine. Du reste, la plus grosse ville et le poumon économique du Vietnam. Elle sera rebaptisée après 1975 Ho Chi Minh-ville. Elle était depuis 1954 la capitale du Sud-Vietnam et les Américains y avaient installé leur commandement, notamment. Or, au début d'avril 1975, toute cette région de Saïgon est encerclée par les troupes communistes nord-vietnamiennes. On imagine la confusion qui s'est installée du coup dans Saïgon. Oh ben on peut même parler de panique générale qui va engendrer la démission en cascade de 3 présidents sud-vietnamiens. Le dernier d'entre eux, Duong Van Minh, va ordonner la reddition de ses troupes. On est le fameux 30 avril 1975. C'est le moment où les Américains organisent un angoissant ballet d'hélicoptères pour tenter d'évacuer le plus possible de leurs partisans. Mais au moment où le dernier hélicoptère décolle, on est un peu avant 8h, les jardins de l'ambassade américaine sont encore noirs de candidats à l'exil. Et du reste, dans les années qui vont suivre, des dizaines de milliers de personnes seront exécutées par le nouveau régime et des centaines de milliers seront déportées. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission assez particulière consacrée aux bébés à travers les siècles.